3. Nous faisons de l'histoire, disait sans rire dans la naïve surprise où il était de voir en ses mains l'autorité, un de ces augures comiques mais tristes qui nous ont gouvernés depuis 30 ans. Folle et malheureuse histoire, à l'heure que nous racontons, la France faisait du drame, taillant le roman historique et le grand opéra dans l'étoffe sanglante de son suaire. Notre époque a aimé cette mise en scène passionnément avant de chercher comme aujourd'hui la malpropreté de son plaisir dans le fumier dit « réaliste » où grouille, informe et infecte le ver de notre parfaite putréfaction. Bien des gens croient que c'est là le fond de notre honte, ils se trompent. La chute de l'homme sans Dieu est indéfinie comme l'essor des saints. En politique, nous avons su descendre plus bas que Marat. En littérature, il n'y aura je ne sais quoi qui sera un progrès sur le verre et qui rampera dans un ferment dont aucune larve d'encre ou de fange n'a encore imaginé l'odeur. En récompense de sa vaillante conduite, la Mauricière de Vic avait été nommée capitaine du Mont, où le cardinal François de Joyeuse avait remplacé Arthur de Cossé comme abbé. Sous la garde de son nouveau gouverneur, le sanctuaire, durant quelques années, jouit d'une tranquillité relative en attendant les terribles et derniers assauts que le protestantisme allait lui livrer. La guerre des trois Henri commençait. Henri III était roi de nom, Henri de Guise se voyait roi de fait. Henri de Navarre, qui allait être Henri IV, avait déjà le bénéfice de sa conversion lointaine et la protection du dessein de Dieu. Dans la légende bretonne de Guy Eder, baron de Fontenelle, on voit un ermite de Basse-Bretagne arrêter les soldats de Mercœur sous le mont Saint-Michel de la Trinité, qui domine les pierres païennes de Carnac, auprès de Quiberon, et leur dire que Monseigneur, Saint-Michel, a son homme en purgatoire, d'où rien ne l'empêchera de sortir. Henri IV était prédit jusque dans les chansons du dialecte de Tréguier. Au temps de mon enfance, cette idée de purgatoire appliquée au père des Bourbons, captif de l'hérésie, se retrouvait dans tout le pays de Fougères et au-delà de Dole, où la Ligue a laissé tant de souvenirs. La croyance existait que le diable à quatre, peu mystique pourtant de sa nature, avait une dévotion instinctive à Saint-Michel, même au temps où il était huguenot. Henri III, qui jouait pauvrement le vieux jeu de Catherine, penchait vers les protestants. Il s'enfuit de Paris devant Henri de Guise, vainqueur à la journée des barricades. Ayant sacrifié ses favoris et proscrit ceux de la religion pour donner confiance aux catholiques, il convoqua les États à Blois, où les deux Guises tombèrent assassinés. La colère de la Ligue fut grande, on traîna dans Paris les images d'Henri III sur les clés, il demanda secours au roi de Navarre et mourut, 1589, sous le couteau de Jacques Clément. L'air était bonne pour les fils de Montgomery, Jacques et Gabriel, qui avaient promis de venger leur père sur la forteresse, orgueil et honneur du catholicisme. Ils en profitèrent, les analystes du monde donnèrent peu de détails sur ce nouvel assaut, accompagné de circonstances si curieuses. Nous en prendrons le récit chez le protestant Agrippa d'Aubigné, qui laisse voir bien malgré lui hors du nuage le bras protecteur de l'archange. Les deux Montgomery entretenaient des espions autour d'Avranches. Se trouvant au pont de l'Arche avec le roi de Navarre, ils eurent vent d'une absence qui devait mettre la Mauricière hors de sa place pendant quelques jours et partirent aussitôt avec 100 chevaux légers et arquebusiers à cheval. Tout en arrivant, ils s'emparèrent de Saint-James-de-Beuvron par escalade et y combinèrent le perfide mécanisme de leur attaque. 3 jours après, de grand matin, on vit s'engager en grève une cavalcade de damoiselles honnêtement dressées, habillées et qui semblaient être de bon rang. Elles se dirigeaient comme pèlerines vers le sanctuaire. En tête de leur compagnie marchaient en guide 4 pêcheurs. Les 2 principales de ces pèlerines étaient le huguenot Ravardière, très bien attifé et déguisé, qui allait en croupe de la Suze, et le jeune Corbouzon, Montgomery, vêtu en pareil carnaval. 2 servantes suivaient, dont l'une était un Écossais, nommé Treille, et l'autre le chevau léger Vilaine de Mirebolais. Enfin, Défossé, qui fut plus tard sergent-major à Metz, jouait le rôle de porte-respect. pêcheurs, belles dames, soubrettes et majordomes, étaient tout cousus d'armes. À la porte, on vint reconnaître ce bel équipage, et personne ne conçut de soupçon. Défaussé, mis chapeau bas et dit « C'est mademoiselle de Saint-Ovier qui vient voir la dame de la Mauricière pour avoir retraite dans la ville, à cause des gens de la religion qui font course par tout le pays. » En même temps, les deux soubrettes essayaient d'entrer. Un soldat, Mortepaille, voulut badiner avec l'une d'elles et lui toucha le menton. « Barbilia ! » s'écria-t-il. Le menton appartenait à l'Écossais Trail qui, voyant l'alarme donnée, planta le stylet de sa manche dans la poitrine du soldat. Aussitôt, une mêlée générale s'engagea. Les damoiselles y allaient d'aussi grand cœur que leurs guides et serviteurs. En un clin d'œil, toutes les Mortepaille furent hors de combat. Quelques blessés parvinrent à grand-peine à gagner en suivant les remparts le corps de garde situé sous le ravelin de l'abbaye et s'y barricadèrent, mais on les en délogea, tandis que Corbouzon et Ravardière restaient en bas gardant la porte ouverte pour l'aîné des Montgomery qu'on voyait déjà courir en grève à la tête de ses arquebusiers et chevaux légers. Tout n'est pas profit pourtant dans les mascarades. Un brave bourgeois de la ville basse se servit du déguisement des Huguenots pour rendre courage aux habitants qui fuyaient, effrayés à la pensée surtout que la Mauricière était absente. Ce bourgeois arrêta la déroute en criant « N'avez-vous pas honte, ce ne sont que femelles !» Et il parvint à faire reculer Ravardière et Corbouzon, déjà même la herse commençait à descendre, quand Ravardière eut l'idée de pousser une échelle sous le râteau qui ne put ainsi toucher terre. Une étroite baie restait, les gens de Montgomery y passèrent, et le sac de la ville prise dura 8 jours entiers, pendant lesquels tous les moyens furent tentés pour enlever aussi le château. Cependant, la femme et les enfants de la Mauricière étaient dans la forteresse. Quand il reçut avis de la prise de la ville, il sut en même temps que les Huguenots menaçaient de mettre tous les siens à mal s'ils tentaient le moindre effort pour les déloger. Il ne s'en soucia point. Pas plus que de sa fortune qu'il jeta au vent pour expier son absence à l'heure du péril. Ce fut une armée qu'il réunit à ses frais, 1000 hommes, dit Agrippa d'Aubigné, mais, comme il ne fallait pas songer à rentrer de vive force, lui aussi employa un stratagème. Nous avons parlé déjà des poulains, ce système de cordes et de roues qui servait à monter les grosses provisions dans les celliers. La tour de guindage était située sous la merveille, auprès de la chapelle Saint-Aubert. La Mauricière parvint à s'y loger. Une fois là, il se mit en communication avec les moines qui déroulèrent les cordages. Les Huguenots se moquaient du brave capitaine qui avait pris tant de peine pour conquérir une bicoque inutile, où il devait le traquer dès le lendemain comme en une fosse de loup. Mais ils n'en eurent pas le temps. À l'aide des cordes, la Mauricière se fit guinder jusqu'au rez-de-chaussée de la merveille, et par la même voie, ses soldats le suivirent 2 à 2. Alors eut lieu la mémorable sortie qui aurait suffi à laisser d'auxiliers du Mont-Saint-Michel leur nom de Montgomery s'ils n'avaient dû avoir sous peu un baptême autre et encore plus sanglant. Par le grand escalier dit le gouffre, les défenseurs réintégrés de Saint-Michel prirent leur course et tombèrent sur ceux qui naguère étaient de si insolents vainqueurs. D'Aubigné avoue, avec quelque tristesse, que ses amis avaient bien essayé de faire des recrues dans le pays, mais ni gentilshommes ni vilains ne s'étaient montrés curieux de loger Genève chez l'archange. Les deux Montgomery et leurs troupes eurent le temps de se mettre en armes, mais le choc de la Mauricière fut comme la foudre. La bataille s'engagea dans l'unique rue du Mont, pied à pied et corps à corps. Le sang roula en rivière du haut en bas du rocher, car chevaux légers et arquebusiers se battirent bien bravement et tombèrent sur place. Le crime des guerres civiles paraît plus grand quand il dévore ainsi des cœurs intrépides. Lorsque la barricade en pierre sèche qui défendait le milieu de la rue fut renversée, les Montgomery et quelques chefs capitulèrent sous un portail où ils s'étaient jetés. Gabriel, le cadet, parvint à s'évader. Jacques rendit son épée à la Mauricière qui le traita honorablement. Mais il n'en fut pas ainsi des damoiselles, qu'on faillit pendre avec leurs soubrettes pour avoir violé l'ordre de la guerre. Il fallut de hautes influences pour les sauver. Théodore Agrippa d'Aubigné lui-même ne trouve rien de particulièrement héroïque dans le fait d'armes des frères Montgomery qui consista à ronger jusqu'à l'os une malheureuse bourgade, à faire tuer une cinquantaine de bons soldats et à implorer eux-mêmes la vie humblement. Mais il y avait une barricade, et c'est là l'histoire de toutes les barricades. En mémoire de leur très mince triomphe de 8 jours, couronné par une verte humiliation, les Montgomery firent pourtant ajouter 3 coquilles de Saint-Michel à leur écusson. Les plaideurs du bon La Fontaine auraient pu aussi se composer un blason avec les coquilles vides de l'huître que l'arbitre avait avalées. Par contre, l'escalade de la Moricière et sa vigoureuse sortie coururent dans les plaquettes qui étaient les journaux du temps. Les protestants n'oublièrent pas, comme nous pourrons le voir, ce bon tour des cordes et des poulies, plus ingénieux en vérité que le carnaval des damoiselles. La Moricière, sieur de Vic, qui se battait toujours en avant du premier rang, fut tué l'année suivante à l'assaut de Pont-Orson, où il était venu en aide à Philippe-Emmanuel de Lorraine-Vaudemont, duc de Mercœur, chef de la Ligue en Bretagne. Il mourut comme il avait vécu, Didon de Caen, combattant pour la cause de l'Église de Dieu. Son corps fut rapporté au Mont en pompe et enterré par les moines avec de grands honneurs dans la chapelle de Sainte-Anne-de-l'Œuvre, avec son casque, sa lance et son guidon en trophée au-dessus du tombeau. Sa rondache était conservée à l'église de Huyn, où le même Don le Roi la viste et soupespesa. Il ajoute, « Elle est excessivement pesante et lourde, il faut croire que ce cavalier estoie grandement puissant. » Esther de Tessier, dame de la Moricière, fut inhumée à côté de son mari par privilège d'honneur, et à la date de 1623, Jacques de la Moricière, grand doyen de la cathédrale de Bayeux, institua une messe d'action de grâce qu'on chantait le 23 juillet en souvenir de l'expulsion des Huguenots qui avaient pris la ville, mais non le sanctuaire.